Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio consacré entièrement aux arts visuels à Québec. On est sur les ondes de CKRL 89.1. C'est Jean-Tiane Lafrance qui va être avec vous pour la prochaine heure. On a un menu bien, bien chargé pour cette deuxième émission de l'année 2019. D'abord, comme je le disais tout à l'heure à Jessica Leb, on va recevoir François Quivillon en compagnie de Jeffrey Poirier. François Quivillon est actuellement en résidence au Centre d'artistes Avatar dans le complexe Méduse pour travailler sur un projet d'envergure qui l'habite depuis déjà quelques années, Conduite algorithmique. Donc, on va en savoir un peu plus après la pause musicale. Et ensuite, Claire Dumoulin va se joindre à nous pour une mini-chronique sur le projet Anthropocène de Charles-Antoine Blais-Métivier qui est présenté à Critérium en ce moment et qui va faire l'objet d'un finissage vendredi de cette semaine, le 18 janvier. Donc, on a une espèce de gros robot qui a pris presque tout l'espace de l'espace galerie chez Critérium et on va en savoir un peu plus en compagnie de Claire Dumoulin. Claire Dumoulin qui a également rencontré Christine Como dans le cadre de l'exposition « Inventer le pays » qui est présentée actuellement à Materia et elle va nous offrir un petit reportage sur cette rencontre qu'elle a eue avec l'artiste qui présente une exposition qui a fait une performance également lors du vernissage, donc une exposition multidisciplinaire assez intéressante. Et en toute fin d'émission, Myriam Leland va nous parler de l'exposition « Faire prendre » de Marie-France Tremblay qui est présentée actuellement chez Engram, une installation textile. On avait déjà eu quelques mots à propos de cette exposition-là l'année dernière avec l'artiste en personne, mais Myriam Leland va nous en partager ses impressions. Pour l'instant, on se laisse pour une petite pause audio avec un extrait de la pièce Flicker de Origami Biro, toujours une sélection de Simon Roy. De retour en studio à l'aérospatiale avec moi, François Quivillon, bonsoir. Bonsoir. Et Jeffrey Poirier. Bonsoir. Jeffrey, tu es responsable des communications à Avatar. Et François Quivillon, tu fais actuellement une résidence de recherche chez Avatar également. Donc, une résidence autour de ce projet qui se nomme « Conduite algorithmique ». C'est un projet où tu t'intéresses à ces nouvelles technologies de véhicules autonomes et de tester, j'ai l'impression, un peu ces technologies-là en contact avec différents contextes. Oui, on peut dire ça, effectivement. Ben, je mets ça en relation aussi avec les compilations d'enregistreurs de conduite qu'on appelle communément les dashcams en anglais. Oui. Donc, souvent, c'est des compilations très populaires sur YouTube. Il arrive toutes sortes d'accidents. Oui, la Russie est un grand producteur. Oui, exactement. Oui. Donc, c'est des images qui ont à l'origine plus une vocation de témoin oculaire en cas d'accident, là, mais qui sont complètement à l'opposé, je trouve, des technologies développées pour les véhicules autonomes. Là. On présente ça comme si les machines étaient pour pouvoir réagir dans toutes sortes de situations, alors que ça, c'est probablement pas le cas, là. Qu'est-ce qu'un véhicule autonome ferait pendant une tornade, une tempête de neige, des genres de choses que j'ai testées, du point. Pas la tornade, mais la tempête de neige, je l'ai testée fréquemment, ou pendant un incendie de forêt, des choses comme ça. Puis les compilations de dashcam, c'est vraiment un espèce de ramassis de catastrophes, puis de situations cocasses ou vraiment absurdes, là, même. Donc, je m'intéresse à ça. Donc, les dashcams, ce sont des captations que tu as faites toi-même, mais aussi des captations que tu es allé chercher sur Internet, c'est non, ça? Non, ben, depuis 2 ans, tu as tout le matériel de conduite algorithmique, mais aussi d'autres projets. Donc, on discutera peut-être plus tard, comme la série Manœuvre. Oui. C'est des captations que j'ai faites avec mon véhicule. Donc, depuis 2 ans, j'ai une caméra devant mon automobile qui est connectée par Bluetooth, là, à l'ordinateur de bord de l'auto. Puis en parallèle, j'enregistre plein d'informations comme la vitesse à laquelle je roule, plein d'informations sur le moteur, le régime moteur, la température de différentes composantes, la stabilité du véhicule. Donc, j'ai énormément de données qui sont enregistrées en parallèle des images et des sons. Et ensuite, je transforme, si on veut, je convertis les... En fait, j'extrais des données, des sons et des images. Entre autres, un réseau de neurones artificiels qui va analyser des scènes, puis va déterminer, ah, OK, là, il y a des arbres, il y a des bâtiments et tout ça, et j'extrais des statistiques à partir de ça. Et le logiciel, ben, va comme trier les vidéos selon les paramètres visuels ou sonores. Par exemple, l'amplitude du son ou les basses, hautes fréquences. On peut aller chercher des scènes qui ont, par exemple, des sons percussifs mis en relation avec des scènes où il y a beaucoup de végétation. Et puis que le véhicule est instable, on va se retrouver dans plein de chemins, dans la forêt, par exemple. Des captations que j'ai faites depuis 2 ans. Puis bien entendu, mais je soumets ces systèmes-là à des situations difficilement analysables. Donc, une tempête de neige, qu'est-ce qui se passe si l'image est toute blanche ou qu'il y a une pluie torrentielle, comment le son est analysé, des trucs comme ça. Alors, parce que chaque élément devient un obstacle potentiel pour ces machines-là, au fond. Donc, d'aller chercher du bruit, si on veut, des éléments qui peuvent flouer la machine. C'est c'est un peu ça aussi, c'est de jouer avec les aléas. Effectivement, oui. Et donc là, on est vraiment dans la captation, dans le faire, dans comment tu as opéré pour monter ce corpus-là, parce que c'est un corpus. Et là, tu fais une résidence à Avatar. Tu as également fait des résidences à Diamond, à Sporobol, sur ce même projet-là. Ouais. Sur conduite algorithmique. Oui, ben, à Sporobol, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une résidence hors sciences avec un groupe en intelligence artificielle en 2015. Et puis, bon, c'est plus une résidence de recherche où, justement, j'ai travaillé sur un système d'analyse de son, là, comme 12 paramètres du son, puis on faisait des compositions algorithmiques à partir de cette analyse-là. Là. Mais ça restait à l'état de recherche et de prototype. Et puis, le projet conduite algorithmique, ben, vient... poursuivre un peu ce que j'avais entamé là-bas, là, mais en ajoutant au son ben, des dimensions visuelles et puis des données extraites d'une machine qui, dans ce cas-ci, est un véhicule. Et à ce moment-là, c'est quoi l'objet de tes recherches en ce moment chez Avatar dans ce projet-là, conduite algorithmique? Ben, là, je suis en train de peaufiner le comportement autonome du système, si on veut, parce que... Puis, donc, sans intervention humaine, on peut laisser le système effectivement, développer d'autres algorithmes à partir de toi, quelque chose que tu inities. Oui, mais fait comme des compositions automatisées, si on veut, ou génératives. Par exemple, va alterner entre des états très calmes et des états très mouvementés. Par exemple, je donnais l'exemple là, tout à l'heure. Mettre des boutons dans le tapis, par exemple, l'instabilité du véhicule plus la végétation, puis là, on se retrouve dans certaines scènes, puis après ça, puis on met tout le volume au minimum, par exemple, le son minimum, puis là, on se retrouve dans des scènes très calmes. Donc, c'est générer une espèce de composition imprévisible à partir de ça. Puis, je veux explorer aussi la dimension potentiellement performative de la chose. Je suis pas un performeur, là, mais bon, ça se prête bien à ça, parce que c'est comme un instrument, dans le fond. qui a à la fois un comportement autonome, mais sur lequel on peut intervenir, puis on comme réoriente la direction dans laquelle le système s'en va. Là. Donc, voilà. En explorant cette dimension performative, le 22 janvier prochain, la semaine prochaine, ça va être une présentation de fin de résidence, mais également une performance qui va être présentée? Oui, c'est un peu ça. Ouais, les gens vont pouvoir interagir avec le système, puis je vais sûrement faire une petite pseudo-performance d'une quinzaine de minutes, peut-être. Là. On va voir comment ça se passe. Puis, je vais parler du corpus, là, différents éléments, puisque j'ai généré des images, des vidéos et tout ça autour de cette idée. Et Jeffrey, je vais profiter de ta présence aussi. Oui. Donc, cette présentation le 22 janvier prochain, ça s'inscrit aussi dans tout un ensemble dans la coopérative Méduse de formations, de conférences, de présentations d'artistes. Là. Oui, exactement. Donc, c'est du 22 au 29, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la semaine de conférences et de formation à Méduse. Et on reçoit François, donc Formule 5 à 7. Et les gens vont être invités, c'est ça, à venir voir le travail. Il est à noter que dans tout Méduse, pendant cette semaine-là, il va y avoir des conférences sur des sujets artistiques. Il y a aussi des formations. Pour les gens qui voudraient s'inscrire d'ailleurs aux formations, il va falloir le faire très vite. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui la date limite ou quelque chose comme ça, oui. Donc, si je reviens à toi, François Quévillon, donc ce travail-là, ce corpus-là, conduite algorithmique, tu parlais tout à l'heure que lorsque tu as débuté un peu ces intérêts-là chez Sporobol à Sherbrooke, c'était un travail que tu faisais en collaboration avec des scientifiques, mais c'est également un corpus qui a fait l'objet de nombreuses collaborations tout au long des recherches que tu y mènes. Donc, on peut penser aux collaborations scientifiques, mais également, il y a le commissaire Éric Matson qui t'accompagne également dans ce projet-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la collaboration artiste-commissaire dans le projet Conduite algorithmique? Oui, comment que la relation se... Mais comment la collaboration se travaille dans un projet comme ça? Oui, c'est intéressant parce qu'on a différents contextes. Ici, à Avatar, c'est un peu similaire à Diamond. Diamond, c'était notre première collaboration au mois d'octobre dernier. Là. Puis c'est un peu encore une exposition un peu de courte durée avec une résidence aussi où je développais le système, là, en collaboration avec Étienne Richand. Et puis, on a une expo qui s'en vient à Expression, en fait, dans deux semaines. Le montage, donc, une expo de deux mois et demi, je crois, là, où il va y avoir beaucoup d'œuvres, beaucoup d'autres œuvres. Il va y avoir le corpus manœuvre, conduite algorithmique et différentes œuvres dans cet esprit-là, mais aussi des œuvres plus vieilles. Là. C'est une grosse expo, là, quand même, qui s'en vient. Donc, puis on a une autre expo à la fin de l'année, qui va être un peu dans le genre d'expression, mais plus courte durée, sans doute. Là. Ouais. Donc, tu nous parles de manœuvre. Ça fait quelques fois que tu mentionnes ce projet-là. Donc, c'est une série vidéo autour, encore une fois, de cette idée-là d'utiliser les données fournies par les véhicules autonomes, ces images de dashcam et de jouer un peu avec ça, si je comprends bien. C'est une série vidéo qu'on peut visionner en tout temps sur la Fabrique culturelle en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là qui semble être un peu comme une tentacule de conduite algorithmique? Oh, oui, exactement. Entre autres, il y a une vidéo que j'ai réalisée à Québec pendant une résidence à la Chambre blanche en 2017. Devant le Musée national des Beaux-Arts. Exactement, oui. Le rond-point itératif, je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme les trois pavillons du Musée national des Beaux-Arts qui sont de différentes époques. Puis, dans le fond, j'ai juste tourné en rond une fois autour du rond-point qui est devant le musée. Et puis ensuite, on voit un système de vision artificielle qui décortique l'image graduellement, là, qui essaie d'analyser la scène. Puis c'était pendant une tempête, juste après une tempête de neige, il neigeait encore un peu. Donc la chaussée était enneigée, puis il est toujours en train d'hésiter. Oh, est-ce le trottoir, est-ce la route? Puis bon, dans un état d'incertitude face à ce qu'il voit. Là. Puis bon, il pourrait tourner en rond éternellement et pas trop savoir c'est quoi la différence entre les deux, là, parce qu'il n'y a pas assez d'indices. Là. Alors, c'est ça, on voit comme différentes étapes de déchiffrage de l'image par le système de vision artificielle. Puis il y a d'autres capsules qui sont un peu absurdes ou humoristiques, par exemple. Il y en a une qui s'appelle La Traversée. Ouais. C'est le pont Jacques-Cartier à Montréal. Effectivement, c'est le bien reconnu. Je l'ai reconnu. Les repères visuels sont minimisés. C'est plus des repères sonores qui me permettent d'identifier étrangement. C'est vraiment comme une pulsation à chaque fois qu'on change dedans. Là. Et puis, donc, c'est un ensemble de petits points jaunes avec une espèce de traînée aussi derrière qui sont à l'œuvre dans cette vidéo-là. Ouais, en fait, c'est un système de flux optique, donc la flèche qu'on voit. Bon, en fait, il met des points de repère un peu partout sur l'image. Puis la flèche, il fait une projection dans le temps, disons une demi-seconde plus tard, où est-ce que ce point-là devrait être rendu s'il suffit au calcul des points précédemment où il était placé. Donc, c'est comme une espèce de projection dans l'avenir d'où les choses se déplacent selon ce système-là. Puis, bon, ouais, il y a la traversée qui utilise ce système-là. Puis ensuite, il y a une autre vidéo qui s'appelle les flots, je crois. Les petits points jaunes, on le revoit aussi dans les flots. Puis là, l'auto est stationnée à Kamouraska, devant le fleuve, puis il essaie de prévoir la trajectoire des vagues qui frappent le rivage. Puis il y a d'autres vidéos, entre autres, j'étais dans les prairies, je m'étais stationné pour enregistrer comme le bruit des outardes, il y a plein d'outardes. Puis finalement, quand j'ai regardé la vidéo, il y a juste des moustiques devant la caméra. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de traquer les moustiques. Puis finalement, ça s'appelle le tracker de bug. Alors, c'est ça. Lorsqu'on développe ce genre de projet, on fait juste résoudre des bugs informatiques. Je trouvais que c'est un beau clin d'œil. Puis aussi, le genre de bugs que les véhicules autonomes peuvent rencontrer, là. Donc, les bugs informatiques, tu dis, François Quévillon, que quand on fait des projets comme ça, on cherche à les résoudre, mais est-ce que ça devient aussi des outils à un moment donné, des heureux hasards qui mènent à des pistes de réflexion, des pistes de recherche? Oui, plus ça que l'inverse, je dirais, quoique on veut que les choses fonctionnent bien. Mais oui, effectivement, c'est super, inspirant et générateur de toutes sortes de choses, les bugs surviennent. Mm-hmm. Alors, Parce qu'en fait, c'est un peu dans cet écart entre la réalité vécue et la réalité telle qu'elle peut être enregistrée par différentes technologies de pointe. C'est dans cet écart-là que tes œuvres finissent par prendre vie, finalement. Oui, effectivement. Puis, un des systèmes que j'utilise qui s'appelle SegNet, le réseau de neurones profonds qui analyse des scènes, fait une segmentation sémantique, en fait, il génère un modèle d'incertitude de l'image. Puis, je trouve ça très poétique, là, en fait, là, cette espèce d'incertitude de la machine. Je travaille beaucoup avec des paramètres comme l'instabilité, l'incertitude de ces systèmes-là. Puis, à partir de ce modèle d'incertitude-là, je génère des cartes, par exemple. Si j'ai les coordonnées GPS et le modèle d'incertitude de la machine, je peux savoir quel est son niveau d'incertitude à différents endroits, dans une ville ou ailleurs. Donc, voilà. Comme une espèce de champ... De zone grise, finalement. Oui, tout à fait. J'essaie de visualiser, là. ce qui est intéressant, c'est que ça a une certaine validité scientifique, puis c'est super poétique en même temps. Mm-hmm. Puis, quand je circule dans une ville, je fais une captation, c'est jamais la même météo, c'est jamais les mêmes obstacles qu'on rencontre, donc cette carte-là n'est pas vraiment valide, là. C'est juste un instant ou différents instants que je vais avoir chose. Là, c'est une captation. Mmh. Et puis, donc, de ces captations-là que tu as fait avec ta voiture, François Quévillon, est-ce que tu sais que tu es rendu à combien de kilomètres? Beaucoup trop. parce que c'est ça, c'est beaucoup de temps au volant à vivre l'expérience toi-même de conduire. J'avais une résidence. En général, je conduis pas, j'habite à Montréal, puis je passe 99% de mon temps à marcher, prendre le vélo. Mais j'avais une résidence à Terre-Neuve, par exemple, au parc du Gros-Morne. Oui, puis, assez longue route. Pas trop le choix d'avoir un auto quand t'es là-bas, donc j'ai été avec mon véhicule. Ensuite, j'avais une expo à Saskatoon, à Paved Arts. Alors là aussi, j'ai fait la traversée canadienne, je suis revenu par les États-Unis. Donc j'ai accumulé beaucoup de matériel comme ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans différentes situations pendant 2 ans. Donc le fait que le projet ça, soit déroulé... a pris un certain temps avant d'être abouti, si on veut. Quoique mes œuvres ne sont jamais terminées, là, je pourrais travailler là-dessus pendant 10 ans, sans doute. Mais ça m'a permis d'accumuler énormément de matériel dans toutes sortes d'environnements, puis toutes sortes de conditions aussi, là. L'hiver comme l'été, puis dans différents espaces géographiques. Là. En tout cas, assez fascinant comme projet, conduite algorithmique qui va avoir lieu, qui va faire l'objet d'une présentation le 22 janvier prochain, c'est un jeudi? Mardi prochain. Excusez-moi pour mon petit écart. Donc, c'est mardi prochain. Merci beaucoup, François Quévillon, d'être venu nous parler de ton projet. Et merci, Jeffy Proyer, d'être venu aussi nous parler d'Avatar et des résidences. Ça me fait plaisir. On va prendre une petite pause audio et au retour, Claire Dumoulin vient nous parler du projet de Charles-Antoine Blais-Métivier. bientôt. Bye. Bonsoir, Claire Dumoulin. Bonsoir, Gentiane, la France. Donc, Charles-Antoine Blais-Métivier présente une installation assez étonnante dans l'espace galerie de Critérium, je ne sais pas trop comment l'appeler. Donc, cet espace où Critérium décide de faire des expositions de temps à autre. Et toi, tu en as parlé un peu avec Charles-Antoine en personne? Bien, on a correspondu. OK. Et puis... épistolaire. Oui, une correspondance. Je vous partage avec, mes impressions et puis ce qu'il habitait. Donc, on peut d'abord un peu rappeler aussi c'est quoi... l'installation s'appelle Anthropocène. Et qu'est-ce que c'est que ce mot, là? C'est bien sûr l'époque géologique, hein, où le commencement correspond avec le début de l'impact à grande échelle de l'activité humaine sur la biosphère. Donc, mais ici, Anthropocène, il y a un S. Donc, on voit déjà le caractère scénique, le spectacle dans tout ça. Vous voyez un peu où je m'en vais. Alors, je vous décris ce qu'on trouve à l'intérieur de la galerie, mais qu'on peut aussi voir en vitrine. Donc, c'est une vitrine qu'on voit comme de jour, comme de soir. C'est éclairé. Il s'agit d'un assemblage vraiment entièrement de boîtes de téléviseurs, oui, récupérés, et les assemblages de mousse qu'on retrouve souvent à l'intérieur. Donc, les dimensions des structures, des sculptures, sont très, très grandes. C'est comme plus grand que l'échelle humaine, un peu, là. Et dans, donc, la vitrine, on voit un paysage artistique, avec des appets de télécommande, un peu un champ comme si c'était des mâts totémiques de notre civilisation, mais à petite échelle, là. Et ensuite, à l'intérieur, à droite, vous avez une espèce de colonne pyramidale. Là. C'est des boîtes de téléviseurs qui sont insérées une dans l'autre, donc en décroissant. Et à gauche, l'élément phare un peu de cette installation, c'est un gigantesque robot de carton, fait de boîtes, donc de téléviseurs récupérés. Il est en action, il a le bras tendu avec une télécommande vers donc un téléviseur qui fonctionne et qui nous présente en boucle des images idylliques, de paysages fantastiques, comme on voit dans les... Justement, sur les couvertures de boîtes dans lesquelles on reçoit notre téléviseur, il y a toujours un beau petit paysage en 4K. Exactement. Des vues à couper le souffle. Alors, évidemment, il y a un caractère quand même comique, mais un caractère inquiétant, parce que le robot, il est quand même vachement grand. Oui. Et limite, il peut nous intimider. C'était comme un peu, moi, je voyais ça, si l'esprit du numérique venait se venger, là. Et puis, c'était un peu l'incarnation physique, parce que nos vies sont quand même assez chronométrées par le numérique maintenant. Et puis, il y a quand même un caractère social. Faut le reconnaître. Genre, j'ai correspondu avec Charles-Antoine Blais-Métivier. Et lui, il utilise l'humour, l'ironie. Alors, dans ses projets, toujours le visiteur ou le spectateur ne sait pas sur quel pied danser. Alors, c'est un artiste de Montréal, diplômé de l'UQAM, qui explore de nombreux médiums, là, l'art contextuel, l'art imprimé. Il a fait des fanzines avec un collectif qui s'appelle Les Sabines. Et puis, la performance, les médias, c'est toujours vraiment un sujet assez récurrent. Et, par exemple, son travail de recherche à la Galerie Lucam en 2017, c'était une espèce de faux-semblant de comptoir de magasin Apple, mais c'était une exploration en céramique. Donc, il refaisait des iPhones, etc. Et bref, là, c'était très réussi. À Critérium, il avait vraiment envie d'expérimenter tout simplement un matériau sans contrainte d'appel de dossier des centres d'artistes. Et puis, il a consacré un an à cette exploration-là parce qu'il a été frappé de croiser sur son passage des boîtes gigantesques de téléviseurs et il les a collectionnées un peu compulsivement. Et il était fasciné par la technologie qu'on utilise qui change aux 3 ans. Puis, il y a vraiment une surproduction d'écran autour de nous. Puis, il était fasciné par l'instrumentalisation du paysage. Donc, il trouve ça paradoxal de s'appuyer sur le charme de la nature pour vendre des écrans, alors que les écrans nous éloignent en quelque sorte de la nature. Oui, puis il y a tout évidemment cette réflexion autour de l'accumulation de déchets qui est générée par notre

Oui, Christine Como, elle est artiste, elle est poète, elle est basée à Montréal. Elle a réalisé de nombreuses résidences d'artistes au Québec et à l'international. Puis ces expériences-là de nomadisme semblent vraiment accentuer sa sensibilité par rapport à l'expérience du monde, puis ça favorise sa créativité. Donc, à Matéria, jusqu'au 3 février, elle nous présente une installation introspective, vraiment, tout en quiétude. C'est très zen, j'ai pas d'autres mots. Mais les amoureux du voyage et de l'immersion en nature vont pouvoir particulièrement être interpellés. Je la laisse décrire en ces mots ce qu'elle propose dans l'exposition. L'idée, c'est de faire vivre un moment de recueillement aux visiteurs, parce que c'est un parcours poétique. Il y a 5 petits dômes. Les gens sont invités à enlever leurs chaussures, mettre les petites bottines et s'étendre sur le dos pour lire les extraits de poésie en lien avec le nomadisme que j'ai écrit en déplacement, en voyage. C'est à la base des architectures portables. Ça vient du sentiment de me sentir étrangère dans le monde dans lequel je vis. Donc, j'ai décidé de concevoir des combinaisons qui recouvrent tout le corps, mais aussi entraîner les autres avec moi parce qu'il y a toujours plusieurs combinaisons. Puis c'est l'idée aussi du déplacement, de ce questionnement-là sur le fait d'être quand même toujours en mouvement. Donc les tentes sont venues dans l'idée de traîner avec soi sa maison mobile aussi. Et l'exposition s'appelle « Inventer le pays ». Je lui ai demandé ce que évoquait le titre pour elle, donc je la laisse expliquer ce qu'il signifie. Ben souvent, quand on entend inventer le pays, on pense au nationalisme et tout, mais dans mon cas, c'est pas lié du tout à ça. C'est l'idée que le pays, le corps, est un pays, finalement. Donc, c'est l'idée d'inventer son pays. Comme, dans le fond, le corps ou l'humain, l'être que nous sommes, est un territoire, finalement, et qu'on doit s'inventer ou se réinventer tous les jours. Dans une quête d'identité. Donc, en galerie, comme elle l'a expliqué, donc on retrouve des espèces de dômes avec à l'intérieur des extraits de poésie, de sa poésie. Il y a aussi sur une corde à linge des combinaisons. Celles-ci ont un design utilitaire. C'est un peu comme, elle m'a dit, des combinaisons de campeurs avec des poches, un capuchon, une fermeture éclair. Très pratique. Dans ses projets précédents, elle avait aussi exploré l'idée de la combinaison, mais c'était beaucoup plus extravagante. Il y avait un seul bras. Elle pouvait les accentuer, au fond, les contraintes du corps quand on se déplaçait. Et les combinaisons avaient des couleurs extravagantes, vives. Les déambulations étaient burlesques. Là, cette fois-ci, c'est c'est jaune, blanc, c'est très c'est épuré quand même. Et il y a un volet participatif qui engage le visiteur à se rapprocher de l'objet d'art. Puis vraiment, on a une proximité avec l'objet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque installation, l'artiste va vraiment confectionner de A à Z les éléments textiles. Je la laisse expliquer ce processus. Pour moi, tout ce processus-là est important. C'est comme aussi un voyage en soi, parce que c'est l'idée, c'est avoir l'idée finalement, puis ensuite la matérialiser et comment faire pour y arriver. Donc je fais des croquis, des maquettes, puis ensuite je me lance dans la conception. Et souvent, ça me prend un an, deux ans à concevoir aussi. Mais pour moi, c'est important de tout faire à la main. C'est comme mon pèlerinage, finalement. C'est un pèlerinage. Puis, c'est pour ça que, oui, ce que je fais entre dans les arts visuels, mais aussi dans le métier d'art, parce que j'utilise la couture, donc un médium qui est plus apparenté au métier d'art. Et puis, moi, personnellement, les dômes, les tentes, de même que les mocassins qu'on enfile pour se pencher dans les dômes, justement, et ils m'ont fait penser quand même au premier peuple nomade, aux traditions. Je lui ai demandé de me parler davantage de sa compréhension globale, au fond, du nomadisme. Elle s'explique. Ben, évidemment, on peut faire cette référence-là avec la culture autochtone, mais c'est pas le propos premier non plus, mais... Mais il y a des peuples autochtones qui étaient plus sédentaires aussi, donc c'est vrai que l'idée de du campement, ça rappelle, mais ça rappelle tous les peuples nomades finalement. Puis on a des nouveaux peuples nomades aujourd'hui qui sont les réfugiés, qui sont obligés de se déplacer pour d'autres raisons aussi. Puis on est nous-mêmes sûrement pas à l'abri non plus de ça, parce qu'on souvent on pense qu'on est en sécurité dans notre maison et dans cette société qui prend beaucoup le monument comme quelque chose de solide, mais rien peut nous affecter et on devient finalement la maison brûle, la guerre, tout peut arriver, puis on se retrouve finalement dehors, nomade. Oui, il y a quelque chose, moi je suis allée à la performance, mais il y a quelque chose de presque post-apocalyptique aussi dans cette présentation-là. Justement, ces combinaisons qui pourraient nous servir à nous protéger de radiation nucléaire, et ces tentes qui seraient des abris temporaires qu'on transporte d'un endroit à un autre. Il y a cette idée d'exil, de se sauver d'un certain danger qui me semblait un peu sous-jacente dans le projet. Oui, définitivement. Là, au fond, c'est des éléments qui sont assez ouverts à différentes lectures, ouais. Parce qu'il y a un potentiel poétique, malgré que c'est très sobre. Il y a quelque chose de très fort. Et puis, si la thématique du nomadisme vous touche, donc il y a l'exposition que vous pouvez évidemment voir, mais il y a son recueil de poésie qui s'appelle aussi Inventer le pays, qui est en ce moment aussi disponible à Materia. Vous pouvez lire davantage de sa poésie. Et puis, un nouveau projet de 2018 que je voulais mentionner, c'était des produits dérivés qui ont été faits de cet art nomade, qui s'appelle donc ce projet-là La Dérivée. Et c'est des vêtements et des accessoires tels que des sacs en bandoulière, des coussins, tout ça, avec des impressions de travail, des impressions photographiques de son travail. Et parce qu'elle a, au fil de ses performances, elle a développé un corpus photographique immense. Mm-hmm. Et ce que je trouvais ça cohérent dans sa pratique artistique, puisqu'il y a encore une fois, c'est le rapport au corps. Donc on porte la photographie, l'œuvre d'art. Donc je vous donne le nom du site web, c'est La Dérivée, donc E-E, là, mm-hmm. .com, je crois bien. Alors, parce que donc l'art connaît un autre mouvement, une autre proximité avec le corps, puis un autre voyage avec nous. Donc, je trouvais ça tout en cohérence, cette pratique artistique-là, et je voulais vous la partager. Merci beaucoup, Claire Dumoulin. Excuse-moi, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non? OK. Merci beaucoup, Claire Dumoulin, pour ce beau compte-rendu, ce beau reportage sur l'exposition « Inventer le pays » qui est présentée à Materia jusqu'au... excusez-moi, je cherche la date. C'était le 11 janvier, le vernissage. Le 3 février. Jusqu'au 3 février, merci. Donc, Christine Comeau, qui a également donc plusieurs produits qui sont en vente, oui, à la boutique du Centre Materia. Oui, et puis à surveiller sur ses réseaux sociaux et probablement ceux de Materia, une captation vidéo de qualité qui a été faite de la performance qui sera diffusée sous peu pour revivre cet instant poétique-là qui a été... Oui, qui était un instant très, très, très, tout en tranquillité, mais je retiens encore cette inquiétude qui m'a traversé l'esprit. Et nous, on part pour une petite pause audio avec encore un extrait de Ori Gami Biro. Merci Simon pour ces noms imprononçables. Un extrait du titre Ballerina Platform. Et au retour, c'est Myriam Leland qui vient nous parler de l'exposition Faire prendre de Marie-France Tremblay. Merci Claire. Merci. Bonsoir Myriam Leland. Bonsoir, gentille Anne-France. Bonne année. Ben, bonne année à toi, c'est vrai, on ne s'est pas revus tant que ça. Et tu es allée voir l'exposition « Faire prendre » de Marie-France Tremblay, qui est présentée chez Engram. Exact. Et on avait reçu l'artiste, je ne sais pas si je parle aux auditeurs, aux auditrices, peut-être que vous vous en souvenez, on avait reçu l'artiste pour nous parler de la résidence qu'elle faisait à la Maison des métiers d'art, mais du même coup, elle nous a parler du travail en cours qui était justement l'objet de cette exposition-là, Faire prendre. Exactement. Qui est tout en textile. Oui, ben c'est ça, c'est le résultat de deux résidences, en fait, celle que tu mentionnais, puis une résidence aussi à Engram, justement. Puis, Gentiane, en fait, j'ai un aveu à te faire. Avant de commencer, je devais aller voir le vernissage vendredi dernier pour les auditeurs, ou peut-être que toi aussi tu t'en rappelles, vendredi dernier, il faisait frette en bon français. Tout à fait. Alors, je suis pas allée au vernissage et j'ai complètement oublié pendant la fin de semaine. Puis dimanche soir, j'ai fait « Ah, c'est vrai, allons à Engram ». Puis je me suis rappelée que lundi et mardi, c'est fermé Engram. Mais c'est merveilleux parce qu'Engram est toute fenestrée tout autour. Exact, c'est ça. Mais en fait, j'ai vu l'inquiétude dans tes yeux. Je suis allée la voir. Ne t'inquiète point. Mais en fait, je suis allée tout de suite après le travail aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, c'est tout frais. Alors, vous avez droit... Des impressions à chaud. Exactement. C'est merveilleux. Donc, c'est pas mauvais. C'est moins organisé que ce que je pensais. Mais en fait, je te fais cet aveu-là parce que c'est en lien direct avec mon interprétation et ma première impression de l'exposition. Je suis presque contente, en fait, d'avoir été aussi désorganisée. Et pissou, du froid. Et explique-nous donc pourquoi, Myriam Leland. Parce que, en fait, la première impression que j'ai eue, c'est... Ça donne l'impression d'un décor de théâtre de première année. Ça sonne péjoratif, mais c'est tout à fait positif. Je te le jure. Oui, quelque chose de naïf. Oui, exactement. C'est vraiment... De bricoler. C'est exactement ce que j'ai eu comme impression. Quelque chose de naïf et touchant, mais pas dans la technique, là. Au contraire, la technique est excellente. Mais c'est surtout dans l'effet général. C'est peut-être la couleur ou l'effet un peu cartoon des dessins de Marie-France. Mais on a vraiment cet effet-là d'une genre d'explosion de couleurs qui nous fait vraiment penser à un décor de théâtre. Puis comme c'est sur du tissu, on dirait vraiment justement un décor de théâtre fait avec des vieux draps. Puis, mais justement, il y a cet aspect aussi, récupération oui. de tissus qui ont déjà été utilisés pour autre chose par l'artiste, parce qu'on voit la face et le dos. Exactement. J'y viens. Ensuite, justement, quand on découvre l'autre côté, qui est au fond, en fait, de la salle d'exposition, c'est pas anodin, en fait, que ce soit aussi près du mur, selon moi, selon mon interprétation, parce que ça crée vraiment une impression d'intimité. Le tissu est presque collé contre le mur. On a juste assez d'espace pour s'y faufiler puis regarder de très près. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que ça va influencer la manière dont on voit l'œuvre. Oui, il y a comme un inconfort puis une proximité aussi avec le matériau. Oui, c'est ça. Mais je dirais que comparativement à d'autres installations qui présentent le même type de dispositif. Oui, c'est ça, d'espace un peu plus restreint. Il n'y avait pas du tout d'inconfort. En fait, ça me faisait penser à des cabanes de couverture qu'on fait quand on est jeune. Oui, et le soir du vernissage, parce que j'y étais, les enfants jouaient avec l'œuvre. Ben, c'est drôle. C'était la course dans le corridor central et ça tournait en rond. Oh, ça devait être merveilleux. Il y avait des cris d'enfants qui éclataient pendant le vernissage. C'était fabuleux. C'est sûr. Ben, je suis vraiment contente que tu me dises ça parce que c'est la réflexion que je me suis faite. Au fond, justement, de ce coin-là, si on peut dire, là, entre la fenêtre et le rideau, le tissu, il y a un petit coin avec un genre de tapis rond crocheté en laine, des coussins, plein de tissus. Comme pour prendre une pause. Ben, ça invite vraiment à s'évacher en bon français. puis je me disais, justement, si j'étais un enfant, je m'écraserais avec une BD dans ce coin-là. Mm-hmm. Ça donne envie, c'est invitant. relaxant, c'est réconfortant, ça fait du bien justement avec de la température comme on a ces temps-ci. Oui, le monde de l'enfance est très présent dans le travail de Marie-France Tremblay, le monde du quotidien, de l'enfance, des gestes quotidiens. Exact. Et là, dans cette installation-là, faire prendre à Materia, pas Materia, excusez, c'est l'autre d'avant, chez Engramme, il y a cet ensemble que, tout d'un côté, c'est un motif fait de mains qui s'entrelacent, qui est assez fascinant. Ben vraiment, j'ai trouvé ça assez fascinant pour réutiliser ton terme. C'est quand on entre en fait dans la salle, on ne voit presque que ça. On devine qu'un deuxième pan de tissu, mais on voit pas tout à fait ce que c'est. Donc on ne voit que ce motif-là. Puis moi, ça me faisait penser au titre qui est faire prendre, donc le faire, l'artisanat, parce que c'est tout du tissu qui est imprimé en sérigraphie. Puis le prendre, en fait, c'est que ces mains-là, ces bras-là s'entrelacent dans le motif. Puis ça me fait vraiment penser à quand on dit prendre quelqu'un dans ses bras. Mm-hmm. Je voyais vraiment... Ou prendre le bras de quelqu'un. Prendre le bras, prendre la main. Mm-hmm. Je trouvais qu'il y avait vraiment ce genre de dialogue-là entre l'artisanat puis l'intimité, le quotidien, tu l'as nommé tantôt. Il y a même un mélange de motifs anatomiques, donc des visages, des mains, des yeux, puis géométriques aussi avec différentes formes. On a même des plumes, des écailles de poissons. C'est tous des motifs, en fait, qui font une variété de motifs, bien sûr, mais aussi d'ambiance. De texture, d'impression. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est sûr que ça rappelle la courte pointe aussi, à cause de la manière dont le tissu est cousu. Oui, ce sont tous ensemble. Des carrés. Exactement. Mais c'est ça, l'artiste m'expliquait, ce sont tous des carrés là, pour ce qui est des mains, des bras qui sont pareils. Et l'artiste les a regroupés ensemble pour que ça fasse des connexions entre les bras, mais toujours de manière différente. Donc, ça crée vraiment un réseau labyrinthique oui, où c'est ça. Imprévisible. Ça fait penser à un jeu de serpent et Michel, oui, définitivement, je suis vraiment dans les références de l'enfance. Là, exactement. Mais je pense que l'artiste y est plongé également. Là. C'est ça. Je pense que c'est pas anodin. Puis je trouve aussi que le fait que le côté qui est plus varié en termes de motifs, il y a des trous, il y a des visages, il y a plein de motifs différents, puis avec le petit coin style coin de lecture dont je parlais tantôt, ça, en fait, c'est vers le côté qui donne sur Saint-Vallier. Mm-hmm. Donc, c'est le côté où on n'entre pas, qui est un peu surélevé, donc on ne voit pas vraiment à l'intérieur oui. quand on est de la rue. On peut le voir de loin, peut-être. Oui, c'est ça, mais peut-être pas ce qui est au sol, oui. Justement, le coin plus invitant. Puis ça me fait penser que c'est peut-être voulu, peut-être pas, c'est mon interprétation, mais en fait, ça nous oblige à entrer puis aller à l'envers du décor. Puis ça me faisait penser les cabanes, justement, de couverture. Souvent, quand on est enfant, c'est un coin qui est à nous, puis n'y entre seulement que les gens qu'on invite. Oui, c'est pas tous les adultes qui ont le droit de rentrer dans ces cabanes-là. Et on n'est pas vu par les gens de l'extérieur. Exactement, même ça me faisait penser un peu à ça. Ça donne pas le choix, en fait, de faire le tour. Mm-hmm. Puis, il y a pour finir, peut-être, il y a une petite dimension, je trouve, anthropomorphe. Justement, j'en parlais, il y a les visages qui sont dissimulés. Puis, en fait, quand on passe dans le milieu des deux pans de tissu, ça fait comme respirer l'installation parce qu'en fait, le vent qu'on crée, les mouvements du corps, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ça devait être magnifique, le sort du vernissage avec les enfants qui jouaient. Ça respire littéralement au rythme des visiteurs qui sont là. Moi, j'étais seule, mais je peux juste m'imaginer ce que c'était avec plus de gens autour. Donc, au final, je pense que ça s'entendait un petit peu dans mon analyse, mais j'ai adoré ça. Ça m'a vraiment fait du bien d'y aller après une grosse journée de travail. Merci beaucoup, Myriam Leland. Donc, cette exposition « Faire prendre » de Marie-France Tremblay est présentée chez Engramme jusqu'au 10 février. Et puis, ne vous faites pas prendre. Engramme est fermé le lundi et mardi pour les visiteurs. On va prendre une courte pause audio et au retour, je vous explique un peu ce qui se passe cette semaine dans le monde des arts visuels. Alors, c'était un extrait de Quad Time, toujours de Origami Biro. Toujours une présentation de Simon Roy, nos belles sélections audio. Et cette semaine, dans le milieu des arts visuels et quelques activités, il y a jeudi, du côté de la Galerie des arts visuels, c'est le vernissage de bande d'essai, donc demain. Et cette année, ce sont Besma Boukri, Vincent Drouin et William Légaré qui vont participer à l'exposition. On va les recevoir la semaine prochaine pour en parler un peu plus. Donc, si vous voulez rencontrer les artistes, c'est demain à partir de 17h au 295 boulevard Charest-Est. Et également, en formule 5 à 7, demain au lieu, c'est la fête de l'art. Donc, des ateliers ouverts à l'étage au 707 rue de la Salle pour découvrir un peu les locataires des ateliers du lieu. Vendredi, c'est le finissage de l'exposition Anthropocène de Charles-Antoine Blais-Métivier, dont on a parlé tout à l'heure avec Claire Dumoulin. C'est à Critérium, au 371 rue du Pont, à partir de 17h. C'est également le vernissage de l'expo photo d'Atwood. IGAN, je pense que ça se dit comme ça. Donc, c'est des photographies de personnes drag queen et il va y avoir le soir du vernissage une performance maquillage et des spectacles de drag queen au programme. Donc, un bel univers à découvrir. Et à partir de lundi prochain, la salle d'exposition du pavillon Desjardins de l'Université Laval présente l'exposition Proposition d'une trentenaire. Et cette trentenaire, c'est l'Imagothèque de l'Université Laval, donc qui sort des bijoux de ses réserves pour les présenter au grand public. Et on en a parlé brièvement tout à l'heure avec Geoffrey Poirier. Tout au long de la semaine prochaine, c'est une semaine de formation et conférences artistiques à Méduse. Il y a une vingtaine d'activités qui sont offertes par la majorité des organismes membres de la coop. Donc, je vous invite à aller fouiner sur le site de Méduse pour avoir plus d'informations. Inscrivez-vous rapidement. Là. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'inscription, mais il y a quelques activités où il faut s'inscrire. Donc, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et à apprendre la semaine prochaine à Méduse. J'aimerais terminer l'émission en remerciant François Quévillon, Geoffrey Poirier, mes invités, et mes chroniqueuses, Claire Dumoulin et Myriam Leland. Merci. Et merci également à Jacques Gignac, notre Pablo Picasso de la mise en onde. Et je vous invite à demeurer à l'écoute parce que de l'autre côté de la pause, ce n'est pas Pierre Blais cette semaine, c'est Jason Béliveau qui anime l'émission Situation critique pour parler de cinéma. Et je vous dis à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Vicky de la succursale du Vieux-Québec vous suggère Jefferson de Jean-Claude Mourlevat aux éditions Gallimard Jeunesse. Jefferson, jeune hérisson à la vie tranquille, est accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Notre improbable héros devra rétablir sa réputation en menant une enquête qui l'entraînera au pays des humains. Un roman chargé d'aventure, un récit aussi intelligent que captivant qui questionne notre relation avec les animaux. Paul Albert de la succursale de Saint-Roch vous propose Une histoire du monde en 100 objets, un ouvrage collectif piloté par l'historien Neil McGregor. Né d'un défi lancé par la BBC, ce formidable ouvrage illustré, limpide autant qu'érudit, rassemble 100 témoins matériels de la diversité de l'humanité. Ouvrir ce livre, c'est ouvrir une porte sur l'histoire comme on ne vous l'a sans doute jamais raconté. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. La Corrigan se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'école bleue, les Esties, l'armée rouge et le géant ont mille histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à La Corrigan. Mon homme à moi, il faut être à la chasse dans le bois, de l'aurore au crépuscule, sans bouger, sans faire de bruit. Pendant que t'étais encore dans les couilles de ton père, il tuait du 60 pointes, mon petit gars. Puis sais-tu pourquoi il arrivait à tuer du 60 pointes? Non. Il bougeait pas, même s'il buvait une 24. Fait que retiens-toi et t'as pissé tantôt. Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec, la brute qui pleure, présente Vive, du 22 janvier au 9 février. Pour information ou achat de billets, premieracte.ca. En janvier, voyez au cinéma Le Clap,